Jones de Chicago, d'Henri Golyer. Il se nommait vraiment Jones, mais sa mère étant une Pickwick, il signait toujours Pickwick Jones, et nous l'appelions Pick par abréviation pour le distinguer de mille autres Jones. L'expression de son visage était fade. Il avait des joues creuses, des pommettes saillantes, une moustache qui tirait sur le rouge, et pour comble d'infortune, des cheveux frisés couleur café au lait. Lorsque je fis sa connaissance en 1862, il voyageait pour la maison Cauliflower et Compagnie, 37 avenue Wabash, fer et acier. Il vendait alors des vis magnétiques, et comme beaucoup d'autres gens à Chicago, il semblait être né pour exercer le métier de commis-voyageur. D'ailleurs, cette profession mène à tout, car à Chicago, la position sociale et la valeur d'un homme paraissent surtout dépendre du chiffre plus ou moins considérable de marchandises qu'il sait vendre et placer, et la plupart des gens illustres à Chicago n'ont réussi dans ce monde que parce qu'ils savaient faire l'article. Au dire du prospectus illustré que m'avait exhibé Pick Jones, la vis magnétique avait été inventée à Boston, ainsi que la machine appelée les pommes et sans autre machine. Depuis l'époque biblique, au dire du prospectus, l'humanité s'était toujours servie d'un perçoir pour perforer le bois avant d'y insérer des vis. Or, la vis magnétique abolissait l'usage du perçoir, car sa pointe affilée et acérée pénétrait partout à l'aide d'un simple tournevis. Elle perforait d'elle-même. Pick Jones s'était imaginé que la vis magnétique avait un grand avenir. Il s'y dévoua corps et âme. Il était jeune alors et ne doutait de rien. La vis magnétique, ainsi qu'il le disait plus tard, fut la plus grande illusion de sa vie. Durant 3 mois, il en vendit partout, dans l'Ohio, dans l'Illinois, dans le Tennessee et même dans le Kentucky. Il paraissait triomphant. « Tout le monde en demande » s'écriait-il. « On ne veut plus que ça. Mais nous avons dépensé une fortune en annonces, car j'aime les grandes affaires. Je suis de Chicago, je ne suis pas né mesquin. » Il avait fait faire une affiche chromolithographiée qui représentait un enfant dans son berceau, criant tout éploré, et au pied de la pancarte se lisaient les mots suivants « Il demande des vis magnétiques ». Cette réclame me parut niaise, stupide, mais Jones m'affirma qu'il connaissait ses compatriotes et qu'elle quintuplait ses ventes. Puis je le perdis de vue. Un beau jour, je le rencontrai par hasard dans la rue. Il n'avait plus sa tournure pimpante d'autrefois. Ses habits paraissaient fripés, il était coiffé d'un vieux feutre, n'avait plus de boutons de chemise en diamant, et son air était vraiment piteux. Séance tenante, il m'emprunta 5 $, et je lui demandai des nouvelles de la vis magnétique. « M'en parlez pas, » répondit-il, « un fiasco complet, un vrai humbug. Cauliflower a fait faillite, mais c'est un malin. Il transige en ce moment avec ses créanciers à raison de 15 sous par $. L'idée de la vis était bonne, elle était lumineuse, mais elle se cassait toute. On appuyait sur le tournevis et puis crac, la vis se cassait. Près de la pointe, vous comprenez ? Quand je suis retourné dans l'Ohio, les clients ont prétendu que je n'étais qu'un farceur. À Dayton, ils m'ont dit 1000 horreurs. Ils voulaient me lyncher. Oui, monsieur, me lyncher. Bref, je suis revenu à Chicago et j'ai intenté un procès à Cauliflower et Compagnie. Je réclame 100 000 $ de dommages-intérêts. Ces gens-là m'ont fait perdre mon temps. Cela me dérange, vous concevez. Aussi, je transigerai moins car je ne suis pas mesquin, ajouta gravement Pick Jones. Et je songeais à me marier. Je suis fiancé, vous savez. Une jeune fille charmante, très distinguée, d'excellente famille, tout à fait supérieure. Je vous raconterai cela un autre jour. Adieu, je suis pressé. » Et il me planta là sur le trottoir. Je ne dirai point les différentes entreprises dans lesquelles il s'engagea ni les difficultés qui entravèrent sa carrière. Quelques semaines après notre entretien, il m'avait déjà remboursé mon argent, car il était honnête, et des vis magnétiques qu'il avait passées à une agence de moutarde américaine. Lorsque je le revis, « C'est immense, cette affaire de moutarde, » me dit-il. « Malheureusement, nos populations rurales de l'Ouest ne sont pas encore familiarisées avec notre article. »« Mais j'arriverai, soyez-en sûr. Si on me laissait faire, j'irai à Washington parler à nos députés. Ce sont des ânes, tous des avocats qui n'entendent rien aux affaires. En effet, la moutarde anglaise nous écrase. Nous ne sommes pas protégés, voyez-vous. Elle paye des droits dérisoires, on l'importe à vil prix. Que devient notre industrie nationale ? Je demande, moi, une législation qui nous permette de donner au pays une moutarde américaine, produite et fabriquée exclusivement par des Américains et pour des Américains. Je demande qu'on révise le tarif douanier. Nous gagnons à peine 100%. juste de quoi payer nos frais d'annonce et de vente, et tout cela au profit du commerce européen, qui travaille pour rien. » C'est ainsi que Big Jones fit à peu près tous les métiers. Je crois me souvenir qu'à une certaine époque, il fut même journaliste, car, sauf erreur, il travaillait 2 mois dans les bureaux du Times de Chicago. Un jour, il m'invita à aller le voir. Il s'était marié et demeurait avec sa femme dans une modeste petite pension près de la 22e rue. À cette époque, les maisons de ce quartier étaient encore en bois. L'entrée de sa demeure était propre, et il demeurait au 3e près du toit. Le jeune ménage était évidemment contraint alors à la plus stricte économie, et c'est pour ce motif qu'imitant la plupart des autres jeunes ménages de Chicago, il vivait en pension. Néanmoins, la femme de Pig Jones portait une robe de soie, avait des diamants aux oreilles et faisait pas mal de dépenses. La façon dont Pig Jones s'était marié n'avait absolument rien d'extraordinaire, toujours la vieille histoire. La jeune fille avait un frère. Le frère vendait des cotonnades et connaissait Pig Jones. Ils les avaient présentés l'un à l'autre, et Pig Jones, dont le cœur était sensible, s'était peu à peu engoué de Lucy Palmer. Alors, malgré les préoccupations de son agence de moutarde, il lui avait fait assidûment la cour à l'américaine, c'est-à-dire qu'en sortant le soir de son bureau, et après avoir avalé à la hâte un assez piètre dîner arrosé d'eau glacée et de thé vert, Pig Jones faisait toilette, mettait un faux col propre, une cravate bleue, il adorait les cravates bleues et se figurait à tort qu'elle lui allait à ravir, prenait ses gants neufs et allait sonner à la porte de son futur beau-père. Celui-ci avait été jadis ministre méthodiste et avait 6 enfants. Pas l'ombre de fortune, cela va sans dire. Lorsqu'il avait perdu sa place de prédicateur, quelqu'un l'avait casé dans une compagnie d'assurance contre la grêle et l'incendie. Et alors, Pig Jones, qui s'était passé de cigares tout le jour, qui s'était contenté d'un sandwich à midi pour tout lunch, qui avait marché jusque-là au lieu de monter en tramway, tout cela par économie, offrait à la jeune fille un petit sac de marrons glacés, ou bien il l'emmenait au théâtre, à l'américaine, et toujours au parterre où les places coûtaient cher. Rien n'était plus drôle que de voir le flegme avec lequel Pig Jones présentait à Miss Lucy son offrande coquettement empaquetée à l'aide d'une faveur bleue ou rose. « Comme c'est gentil, Willy !» s'écria Lucy Palmer en jetant rapidement les yeux sur la marque dorée du sac de marrons, afin de s'assurer de sa provenance. « Je vois qu'ils viennent de chez Lapierre. » Lapierre était le confiseur français à la mode à Chicago. Les marrons glacés y coûtaient bien plus cher qu'ailleurs, mais Lucy Palmer les préférait à d'autres et Pig Jones réellement n'était pas né mesquin. Aussi lui lançait-elle un regard de reconnaissance qui récompensait le pauvre garçon des sacrifices qu'il s'imposait pour elle. Et elle possédait un certain chic, un certain genre qui captivait Pig Jones. Elle n'était pas sentimentale, tant s'en faut, ni lui non plus d'ailleurs, mais elle lui paraissait aimable. Et puis elle paraissait avoir sur lui une supériorité qui se manifestait par des goûts plus raffinés et qui lui imposait. La chose n'avait rien d'étonnant, car tandis que lui bataillait prosaïquement contre la vie, elle lisait toute la littérature courante que lisent les jeunes filles d'Amérique. Elle dévorait les revues, les journaux hebdomadaires, les publications à la mode. Ses goûts, ses aspirations l'entraînaient vers cette demi-culture superficielle qui est l'idéal de la bourgeoisie américaine. Elle nasillait, comme la plupart des Américains, mais elle affectait d'aimer la musique sans être musicienne. Le dimanche soir, on chantait des hymnes au salon, chez son père, avec le concours d'un commis pharmacien allemand qui savait jouer de l'harmonium. Puis elle parlait de Shakespeare, de bric-à-brac, des arts en général, de broderie japonaise, de peinture à la gouache, d'éventails parisiens, d'articles de mode, et faisait de l'esthétique comme on en fait dans la société de Chicago. Elle faisait comme toutes ses compatriotes, et pour se distraire, sortait tous les jours, seule ou en compagnie de ses amis, car les femmes américaines ont inventé, pour tuer le temps, une sorte d'occupation fort difficile à comprendre pour une européenne, et qu'elle désigne du nom intraduisible de shopping. Il n'est guère de jeunes filles dans le Nouveau Monde qui ne raffolent de cet étrange amusement. On visite tous les magasins à la mode, on se fait exhiber des étoffes, des chiffons, des nouveautés, des articles de tout genre, on marchande, on critique, on compare, on convoite. On rencontre dans les grands bazars d'autres femmes dont on observe les toilettes et les manières. La matinée employée de cette façon s'enfuit toujours comme un rêve. Telle américaine dont les ressources sont modiques conclura pareille tournée de 3 heures en achetant pour 10 sous d'épingle, tandis qu'une autre plus fortunée dépense 100 $. Parfois Lucy Palmer soupirait, car elle n'avait pas de fortune. Elle méprisait les travaux d'aiguille et, comme bon nombre de jeunes américaines, se vantait de ne pas savoir coudre et d'abandonner à sa mère tous les travaux du ménage. Parmi les jeunes gens qui lui faisaient un peu la cour, aucun ne lui plaisait. Les mœurs du pays lui permettaient de recevoir leurs visites et leurs attentions et de les étudier. En général, ils étaient ennuyeux, et ils oubliaient souvent sa présence au point de s'entretenir d'affaires. Mais elle aimait leur société, car elle cherchait à se distraire. Et sa vanité féminine ambitionnait leurs hommages. Eux, de leur côté, ne demandaient pas mieux que de rafraîchir un peu leurs idées dans la société d'une jeune fille fort correcte et souvent amusante. Ces rapports sociaux, si fréquents aux États-Unis entre les jeunes gens des deux sexes, n'ont aucun inconvénient entre gens raisonnables. Or, Lucy Palmer était fort raisonnable. Deux de ses frères étaient au Texas. Ils n'écrivaient jamais, se tiraient d'affaires tout seuls, comme ils pouvaient, et on en entendait peu parler. Sa sœur aînée était mariée. La cadette allait encore à l'école. Quant à son troisième frère, Tom, celui qui lui avait fait faire la connaissance de Pig Jones et qui vendait des cotonnades, il ne s'occupait pas d'elle. Il avait trop à faire. La mère vaquait à son ménage. Le père ne voyait guère les siens qu'à table, le soir, car en dehors de son bureau, il s'occupait de missions en Afrique et il se couchait de bonne heure. D'ailleurs, il parlait peu et sa présence congelait l'atmosphère de cet intérieur déjà si froid et si américain. Un beau jour, Lucy fit son choix. Par caprice et pour changer d'existence, elle agréa Pickwick Jones et ils se fiancèrent sans consulter personne. Puis, suivant l'usage du pays, elle notifia la chose à son père dès qu'elle fut décidée et lui demanda froidement de ratifier ses fiançailles. C'était faire preuve de respect filial, car cette ratification était légalement et moralement une simple affaire de forme. Le père l'écouta, puis il se renversa sur sa chaise et, tout en suivant de l'œil une mouche qui voltigeait au plafond, répondit d'un ton grave et placide « Lucy, je crois que Jones réussira. Il me plaît et me paraît être réellement un très bon homme d'affaires. » C'est ainsi qu'ils se marièrent, conformément aux us et coutumes d'Amérique, où les filles n'ont point de dot et où les hommes se tirent d'affaires par leurs propres efforts. À cette époque, qui fut probablement la plus heureuse de la vie de Jones, Chicago grandissait à vue d'œil. La ville se développait en tous sens. Ce qui était faubourg devenait ville, et ce qui était champ d'avoine ou marécage devenait faubourg. La population augmentait. De 300 lieues à la ronde, on accourait à Chicago pour vendre ou pour acheter. L'Europe voulait du blé. L'Ouest cherchait un marché, un entrepôt pour ses grains. Le moment était favorable et Pick Jones, guidé par son instinct ou son heureuse étoile, se fit courtier d'immeubles. Lorsqu'il rentrait le soir chez lui, épuisé, hébété, l'œil fiévreux, sa femme, qui ne s'intéressait jamais qu'aux résultats de ses spéculations et ne voulait pas en connaître les détails, le regardait d'un air calme et tranquille. Comme elle s'ennuyait souvent le soir dans son modeste logement de la 22e rue et que lui-même il sentait le besoin de se distraire, il l'emmenait au théâtre. Il aimait le grotesque, les clowns et les farces. Elle avait le goût plus fin, elle préférait l'opéra. Puis il rentrait chez eux, elle rêvant aux toilettes et aux diamants que portaient d'autres femmes plus riches qu'elle, et lui songeant à ses affaires. Et le lendemain, de grand matin, il courait à son bureau pour ne rentrer chez lui que le soir, à l'américaine. Une fois, il rentra plus soucieux que d'habitude. « Lucy, dit-il à sa femme, les terrains que j'ai achetés près du parc vont se vendre à vil prix. Je crains d'être ruiné. Vous êtes un sot, répliqua-t-elle en soupirant. Pourquoi ? Demanda Jones, un peu piqué. Parce que vous ne réussissez jamais. Elle commença à feuilleter un livre. Lui allongea ses jambes sur une chaise, regarda sa femme et se tut. Cette réponse l'avait peinée. Quoiqu'il ne fût pas homme à se froisser pour un mot, la froideur qu'elle lui témoignait dans ce moment critique lui parut presque cruelle. Mais il n'était pas sentimental. Il alluma un cigare, sortit et alla prendre l'air. Néanmoins, la baisse prévue sur les terrains avoisinant le parc n'était qu'une fausse alerte. On avait craint un instant l'établissement de grands abattoirs dans ces parages, mais certains spéculateurs formèrent un syndicat et les prix recommencèrent à monter. Pick Jones avait tenu bon durant la crise et 6 mois après, il empochait d'énormes bénéfices. Je ne sais s'il fut habile ou s'il eut de la chance, car les gens prennent pour habile tous ceux qui réussissent. Mais on constata à Chicago que la fortune ne l'abandonna plus dès lors et qu'il devint riche en 10 ans. Or, tout le monde ne devient pas riche en 10 ans, même à Chicago. Il travaillait sans relâche. Enfin, on m'apprit un jour que Pig Jones construisait un véritable palais sur l'avenue Michigan, la plus fashionable de Chicago. Un architecte célèbre en avait fait les plans. Cette maison coûtait une fortune. Il m'en fit les honneurs avant qu'elle fût achevée. C'était en automne, il avait l'air fatigué, et me parut vieilli, quoiqu'il n'eût pas 40 ans. Il est vrai que nous ne nous étions pas vus depuis longtemps, car j'avais été absent. « Voici la bibliothèque, » me dit-il en me montrant une pièce dont les boiseries étaient de chêne. « Ma femme en voulait une, mais je n'ai pas le loisir de lire. Vous voyez ce plafond à caissons, il coûte un argent fou. Tout est en chêne, qu'on relèvera par de minces filets dorés. Les fenêtres auront des vitraux. C'est la mode, il paraît. On dit qu'ils seront très beaux. C'est ma femme et l'architecte qui s'occupent de tout cela, car moi, je suis un homme très simple, vous savez. Je sais gagner l'argent, mais je ne sais pas l'employer, tandis qu'elle est une femme supérieure. On prétend qu'il faut des tentures de soie dans le grand salon. Elle a choisi certaines couleurs. Comment diable appelle-t-on cette nuance si fort en vogue, vieillard ? Non, Lucie dit que la mode a changé. Fraise écrasée. C'est cela, reprit Jones d'un air hébété. Cela reviendra fort cher car le salon est immense. Mais aussi ce sera le plus beau salon de Chicago. Celui de Dickinson, dont on a tant parlé, a coûté beaucoup moins. Entre nous, je n'aime pas cette nuance, mais Lucie n'en veut pas d'autre. Je la laisse faire, vous comprenez. Il ne faut jamais contrarier les femmes. D'abord, cela ne sert à rien, elles finissent toujours par avoir gain de cause. Ensuite, je ne me pique pas d'avoir beaucoup d'esprit. Mon seul talent jadis était de savoir vendre. Oui, j'étais bon vendeur. Vous vous souvenez des vis magnétiques il y a 15 ans. Sa figure s'épanouit et il partit d'un éclat de rire. « Oh, je n'ai pas honte de mes premières entreprises, » reprit-il en me frappant familièrement sur l'épaule. « Pourquoi en aurais-je honte? J'ai toujours payé mes dettes. Je n'ai jamais été ni malhonnête ni mesquin en affaires. Et puis surtout, j'ai toujours été actif. C'est tout ce qu'il faut pour réussir. D'ailleurs, je ne tiens pas la mode ni au grand monde. Pour les femmes, c'est différent, » ajouta-t-il d'un air distrait en soupirant légèrement. Nous examinâmes tout l'intérieur de la maison. Les ouvriers y travaillaient encore. J'avais rarement vu une demeure plus somptueuse, même en Amérique, où certains bourgeois savent se loger mieux que bien des princes du vieux monde. Rien n'avait été épargné. Les chambres à bain, qu'approvisionnaient à chaque étage des tuyaux d'eau froide et d'eau bouillante, étaient dallés en majolique d'Espagne. Le gaz devait s'allumer dans toutes les chambres à l'électricité. Les parois de la cuisine étaient en faïence blanche, par raffinement de propreté, et le grand hall qui servait d'antichambre, avec sa cheminée monumentale, rappelait les belles salles du Moyen-Âge. Tout était luxueux, élégant, d'un goût parfois chargé, mais bien mieux entendu que dans les maisons européennes. On respirait là le confort et les grandes aises. Pig Jones était assis sur un amas de planches au milieu de son futur salon. Nous parlions de sa femme et de sa fille, car il avait une fille qui s'appelait Lotta et qui ressemblait à sa mère. Puis il se tut et devint pensif. « C'est étrange, » reprit-il au bout d'un moment. « Je ne m'intéresse qu'aux affaires. Cette maison ne m'enthousiasme pas, et cependant je vous ai dit ce qu'elle me coûte. Ce sera la plus belle résidence de Chicago. Mais ma femme n'est pas encore satisfaite. Elle veut retourner en Europe au printemps. Moi, je resterai seul ici, car il faut bien que quelqu'un s'occupe des affaires que j'ai sur les bras. Lotta et sa mère ne reviendront qu'en automne. Lotta adore Paris. » Tout en parlant, Pig Jones regardait d'un œil vague le soleil qui se couchait et qui illuminait de ses reflets rougeâtres les vitres des maisons voisines. Il murmurait quelque chose entre ses dents. « Vous disiez ? » demandai-je. « Rien, sinon que Lucie a des goûts bien différents des miens, et Lotta tient de sa mère. Et puis je n'ai plus ma santé de jadis, je baisse comme ce soleil. Autrefois je voulais faire fortune, eh bien je l'ai faite, cette fortune, et l'argent n'a plus autant d'attrait pour moi. L'Europe ne m'a pas plu, les gens y sont mesquins. Or, moi, vous savez, je n'ai jamais été mesquin. Mais Lotta déteste Chicago. Les femmes ne sont jamais satisfaites. Il leur faut du luxe et toujours plus de luxe. Et entre nous, le luxe m'embête, car j'ai des goûts fort simples. Mais les femmes sont si drôles. L'année suivante, je sonnai à la porte de son magnifique palais. C'était en été et il faisait déjà nuit. La journée avait été accablante de chaleur. Le thermomètre avait marqué 40 °C à l'ombre. Des pas retentirent dans le hall somptueux qui tenait lieu de vestibule, et j'entrevis derrière la porte un petit homme en manche de chemise sans col ni cravate. C'était Pick Jones lui-même qui venait m'ouvrir. « Vous m'excuserez, » dit-il en me serrant la main. « La femme de chambre est sortie. La cuisinière irlandaise est allée je ne sais où. Le cocher était ivre. Je l'ai envoyé se coucher. Je vous reçois sans façon, en ami. »« Parbleu, » ajouta-t-il, « plus on a de domestiques dans ce pays, moins bien on est servi. » « Et quelle nouvelle d'Europe ?» demandai-je à Pick Jones, lorsqu'il m'eut fait entrer dans une chambre du troisième étage, la seule qu'il parut occuper dans cette résidence élégante. « Excellente !» répondit-il en poussant un gros soupir qui semblait contraster étrangement avec ses paroles. « Elles sont quelque part en France, au bain de mer. J'ai oublié le nom. Ces noms français sont imprononçables. Peu importe, d'ailleurs, car j'adresse toujours mes lettres à leur banquier. Les Hopkins sont aussi là-bas, au même endroit que Lucie. « Vous connaissez les Hopkins, je crois ?» ajouta-t-il en se tournant vers moi. « Il y a tant de Hopkins à Chicago, » dis-je évasivement. « C'est vrai. Pas autant que de Jones, cependant, » répliqua-t-il en secouant comiquement la tête. « Le Hopkins dont je parle est John C. Hopkins, Huile et Saint-Doux, 18 rue La Salle, celui qui a fait faillite il y a 2 ans. Ils sont au bain de mer en ce moment. » Je crus me souvenir vaguement du gentleman en question. « Oh !» « John C. Hopkins n'est pas grand-chose, » continua Pick Jones, « mais sa femme voit beaucoup de monde en Europe, il paraît. Du moins, ma femme et ma fille en font de grands éloges. Ce ne serait pas mon genre, vous savez, mais les femmes sont si singulières. « Vous avez été au bain de mer en Europe ?» demanda-t-il subitement. « Pourquoi cette question ?»« Je voudrais savoir en quoi les bains de mer là-bas sont supérieurs à nos bains d'Amérique. On dirait vraiment que nous n'avons pas 1000 lieues de grève aux États-Unis. » et que nous sommes à court d'eau salée de ce côté-ci de l'Atlantique. Si ma femme et ma fille étaient plus raisonnables, et qu'elles fussent restées en Amérique cet été, j'aurais pu m'accorder le plaisir de passer 15 jours auprès d'elles. Vous concevez que cette grande maison est un peu solitaire pour moi. Je suis tout seul, et comme les affaires chôment en ce moment, le temps me paraît bien long. Entre nous, j'ai parfois du noir. » Pick Jones allongea ses jambes et les appuya sur le bord de la fenêtre, à la hauteur de son menton. Puis, me montrant du doigt une bouteille de cognac entamée qui se trouvait sur la table. « Servez-vous, il est excellent, » reprit-il. « Et puis il fait si chaud aujourd'hui. Après tout, le seul plaisir que j'ai le temps de m'accorder, c'est de posséder le meilleur des cognacs. Celui-ci est bon, je l'ai payé 8 $ la bouteille. Goûtez-le. » Il remplit mon verre et le sien et nous bûmes. « Jadis, » continua-t-il, « lorsque j'étais jeune, et longtemps même après la naissance de Lotta, je ne buvais que du whisky bon marché, et rarement encore. Après tout, ce n'était pas une époque bien malheureuse. Les temps ont changé, voyez-vous. Quelle ville y avait alors à Chicago? Quel tas de marchandises en pouvait écouler en 68? Vous vous souvenez de 68? Les affaires allaient si bien. Je voyage alors pour Johnson et compagnie, vous vous rappelez, Dry Lainage. Et cette année-là, je leur en vendis à moi seul pour plus de 300 000 $. C'était le bon temps. « Tandis que maintenant, » suggérai-je, « il avait rempli de nouveau nos verres. »« Tandis que maintenant, » reprit-il, « je m'ennuie à périr dans cette grande demeure. Je n'ai pas mis les pieds dans les salons en bas depuis le départ de ma femme. Les meubles, les glaces et les lustres, tout est recouvert d'un linceul de toile, par crainte de la poussière. C'est horriblement triste. À propos, » continua-t-il en se tournant subitement de mon côté, « on vous aura dit que j'ai acheté Shakespeare. Payez 7 000 $. » Il l'évoque comme un sou. « J'ignorais que vous eussiez du goût pour les chevaux, » dis-je à Jones. « J'aime à trotter vite, très vite, plus vite que d'autres. C'est pour ce motif que j'ai acheté Shakespeare. Il a encore gagné depuis que je le possède. Il a fait 2,23 l'autre jour. » En effet, Shakespeare avait trotté quelques jours auparavant sur la piste du Jockey Club de Chicago et il avait parcouru 1 000 anglais en 2 minutes et 23 secondes. Ce fait avait ébahi tout le monde. Car Maud S., la jument célèbre que Vanderbilt venait de payer 100 000 $ à New York et qui était le meilleur trotteur du globe, courait le 1000 anglais en 2,20. « 2 minutes et 23 secondes, » continua Pick Jones. « C'est beau, n'est-ce pas? D'ailleurs, Shakespeare se porte mieux que moi. Ce cheval me sert parfois de distraction. Mais les chevaux constituent une propriété fort dangereuse, et je ne crois pas que j'en raffole. Je ne m'intéresse réellement qu'aux affaires, vous le savez, et je n'entends rien aux chevaux. » Ainsi que la plupart de ses compatriotes, Jones ne buvait pas de vin. En revanche, il cherchait à combattre l'affaissement de son système nerveux par l'usage de boissons fortes. Je lui fis observer qu'il abusait du cognac. « C'est le meilleur des toniques, » me répliqua-t-il en dirigeant sur moi ses yeux un peu hagards. « D'ailleurs, j'en sens le besoin et il ne me fait aucun mal. » Je le rencontrai au parc quelques jours après cet entretien. Il était vêtu d'un cache-poussière en toile, avait rabattu son feutre sur ses yeux pour les préserver du sable qui volait sous les sabots de son trotteur et juchait sur sa voiture, une américaine dont les roues ressemblaient à celles d'un vélocipède, il dévorait l'espace. Les gens s'arrêtaient pour le regarder passer comme un éclair, en souriaient et l'on disait « Voilà Big Jones !» Puis, lorsqu'il avait atteint l'extrémité de la longue allée où l'on exerce les chevaux au trotteur, il descendait de son véhicule, jetait les rênes à un garçon d'écurie devant la taverne où s'arrêtaient les membres du Jockey Club, avalait un cocktail et revenait en ville au pas pour ménager sa bête. C'était là ce que Big Jones appelait « se distraire ». Quant à sa femme et à sa fille, elle parcourait le continent européen en quête de cathédrales, de musées, de choses intéressantes. Elle voyageait à l'américaine, à l'affût d'impressions et d'emplettes de tout genre, et dépensait sans compter. Puis en automne, elles revinrent à Paris, où elles avaient commandé des toilettes. L'hôtel était joli, elle avait fait quelques sensations dans la colonie américaine. Sa mère avait retrouvé là bon nombre de connaissances, toutes enchantées d'échapper à la monotonie de la vie sociale de leur patrie. On affectait de déprécier le continent, et même l'Angleterre, mais on séjournait volontiers en Europe. Et puis le Herald de New York, dont une édition paraît à Paris, avait publié l'entrefilet suivant. Madame Pickwick Jones de Chicago et sa fille sont à l'hôtel du Louvre. Ces dames ont retrouvé à Paris de nombreux amis dans la colonie américaine. On sait que Madame Jones appartient à l'élite fashionable de la société de Chicago et que son mari a contribué puissamment au développement de cette métropole de l'Ouest. Puis, quelques jours plus tard, le Figaro, toujours bien renseigné au dire de certaines gens, « Grande fête hier soir à la Légation américaine. Tout Paris et tout New York s'y étaient donné rendez-vous. Parmi les invités, la femme de l'ambassadeur chinois, la duchesse de Tourte-Crème, la marquise de Caramel et la femme du général Pickwick Jones. Celle-ci accompagnée de sa fille, une charmante miss américaine dont tout le monde raffole. On nous dit que le général Pickwick Jones est un ami de la France, car il a fait ses premières armes en Crimée, sous le maréchal Saint-Arnaud. » Pauvre Pick Jones. L'erreur étrange que contenait le Figaro provenait tout simplement du fait que son reporter parlait très mal l'anglais et ne le comprenait guère mieux. Un mauvais plaisant, journaliste américain, natif lui-même de Chicago et qui connaissait personnellement Pick Jones, en avait profité pour s'amuser aux dépens du Figaro. Et au lieu de raconter Pick Jones, il avait raconté quelqu'un d'autre. Il va sans dire qu'on ne s'aperçut de rien au bureau du journal. Mrs. Jones trouva l'article étrange. Néanmoins, elle l'envoya à son mari. « Sans doute les journaux français, écrivait-elle, passeront en Amérique pour être très inexact. Mais vous voyez que l'auteur fait sensation. Sa robe lui allait à ravir. Jupon de tulle broché d'argent, corsage de satin blanc. La note de Worth, fort raisonnable, 4 000 francs. Seulement $800. Lorsque Pick Jones reçut le journal, lui qui ne comprenait pas le français et n'avait d'ailleurs jamais entendu parler du Figaro, il chercha un traducteur. Parmi ses connaissances américaines, personne n'entendait la langue de Molière, mais on lui indiqua un Allemand qui savait le français comme la plupart des Allemands qui peuplent Chicago. Celui-ci traduisit l'article et Pick Jones haussa les épaules. Il répondit à sa femme qu'il s'ennuyait tout seul, qu'il ne comprenait pas qu'elle et Lotta s'amusaient si longtemps en Europe et qu'il espérait bien qu'elle ne passerait pas l'hiver à Paris. « Chicago, disait-il en terminant, doit suffire à tout le monde et offre 1000 ressources à une jeune fille de l'âge de Lotta. » Mais à cette époque, Mrs. Hopkins, l'amie de sa femme, se trouvait à Paris où elle trônait dans la colonie américaine. Elle demeurait aux Champs-Élysées, donnait des fêtes et l'on s'amusait beaucoup chez elle. On y rencontrait des gentlemen désœuvrés, des princes polonais, de petits diplomates, des jeunes gens en uniforme et des millionnaires américains. Tout ce monde était nouveau pour Lotta, qui n'avait jamais vu à Chicago que des gens sérieux et ennuyeux. En outre, elle dansait volontiers et elle s'était éprise de Mrs. Hopkins. Aussi déclara-t-elle un beau jour à sa mère qu'elle aimait réellement Paris et qu'elle voulait y passer tout l'hiver. « Votre père n'y consentira jamais, » dit Mrs. Jones. « Papa fera ce que nous voudrons, » répliqua Lotta en haussant les épaules. « Chicago me déplaît en hiver. Je resterai à Paris, j'y suis décidé. » Et elle frappa le parquet de son petit pied d'un air mutin qui fit sourire sa mère. « Sans doute, dit quelques jours après Mrs. Jones à Mrs. Hopkins. Je regrette vivement de ne pas rentrer à Chicago, car rien ne vaut nos homes américains, mais j'ai dû me soumettre aux caprices de Lotta. Vous savez, ma chère, combien l'éducation américaine, si supérieure à tant d'égards, est défectueuse lorsqu'il s'agit de faire entendre raison à une jeune fille. Elle a écrit tout simplement à son père qu'elle voulait passer l'hiver ici, et voilà. Quant à moi, la chose m'est naturellement indifférente. Je ne suis pas responsable des fantaisies de Lotta. Elle est parfois aussi ridicule que son père. Lorsque Pig Jones a pris la décision de Lotta, il ferma sa somptueuse demeure et alla vivre à l'hôtel. Il ne se plaignit pas, il ne protesta point. Cependant, ses affaires allaient mal cet hiver. Il avait deux ou trois gros procès sur les bras au sujet de ses immeubles, et l'un des chemins de fer dont il était actionnaire venait de faire faillite. Tout cela le rendait morose. Il mangeait seul à table, fuyant ses anciennes connaissances, et il s'était lassé de faire trotter Shakespeare. Pour comble d'infortune, le docteur lui avait interdit de fumer plus d'un cigare par jour et de boire du cognac, mais il s'était soumis à ce nouveau régime sans murmurer. Un soir, il se trouva face à face dans le hall de son hôtel avec Tom Palmer, son beau-frère. Celui-ci arrivait d'Europe. Ils se connaissaient depuis un quart de siècle, depuis l'époque où tous deux parcouraient l'État d'Ohio comme commis voyageurs, mais leur relation était rompue. En effet, Tom Palmer, fatigué de vendre des cotonnades pour le compte d'autrui, avait voulu s'établir et avait emprunté des fonds à Pig Jones. L'affaire avait mal tourné, l'argent de Jones était perdu et les deux beaux-frères s'étaient brouillés. Il est probable que si Jones n'eût pas assisté Palmer aux dépens de sa propre poche, leur relation fût restée plus cordiale. Quoi qu'il en soit, Tom Palmer, qui allait fréquemment en Europe en qualité d'acheteur pour une grande maison de Chicago, avait subitement fait apparition à l'hôtel de son beau-frère. « Pig, dit-il brusquement en lui frappant l'épaule, j'ai deux mots à vous dire. » Tom Palmer n'était pas méchant, mais il n'avait jamais été aimable. Sa sœur Lucie ne pouvait d'ailleurs pas le souffrir. Pig Jones conduisit son beau-frère dans la petite chambre à coucher qu'il occupait à l'hôtel. Ils ne s'étaient pas vus depuis 4 ans, et en jugé par l'expression de leur figure, on ne se fût guère imaginé qu'ils eussent le moindre plaisir à se revoir. « Les affaires marchent ?» demanda Pig Jones d'un ton indifférent lorsqu'ils furent dans sa chambre. « J'arrive d'Europe, » répondit Tom en se renversant dans un fauteuil. « Arrivé par le Celtic, parti de Liverpool le 8. Il y a 12 jours que j'ai quitté Paris. » Ici, Tom Palmer fit une pause. Pig Jones se demandait si son beau-frère aurait l'impudence de lui demander encore un secours financier, et il commença à regarder le plafond d'un air vague et rêveur. « J'ai vu Lucie, » dit enfin Tom Palmer. « Ah, » fit Pig, « tout va bien, je présume. Il y a 15 jours que je n'ai pas reçu de leurs nouvelles. J'en attends prochainement. » Les deux beaux-frères se regardèrent. « Pig, » s'écria subitement Tom Palmer, « je suppose que vous n'avez jamais pu digérer le bouillon de 40 000 $ que je vous ai fait avaler. Mais je ne vous en veux pas, n'importe. »« C'est bien heureux que vous ne m'en vouliez pas, Tom, » dit Jones d'un ton sarcastique. « C'est vraiment trop aimable. »« Oh non, je ne vous garde pas rancune, » reprit Tom avec un sang-froid imperturbable. « Je désire même vous rendre un service. Vous savez que vos affaires et celles de Lucie ne me regardent pas. » Néanmoins, si Lucie est une folle ambitieuse et prétentieuse, ce n'est pas une raison pour que je ne vous donne pas un avis. Elle et moi, nous n'avons jamais pu nous entendre. Sa vanité dépasse toute idée, et quant à votre fille Lotta, elle tient de sa mère. Bref, à Paris, nous avons échangé des propos fort désagréables, et je leur ai dit leur vérité. » Pig Jones regarda silencieusement son beau-frère. « Quand une femme, » continua Tom Palmer, « est aussi ambitieuse, aussi obstinée, aussi capricieuse que Lucie, son mari agirait sagement en la surveillant davantage. Vous me direz que tout ceci ne me regarde pas. D'accord. Néanmoins, Pig, un homme averti en vous deux. Or, on parle là-bas à Paris d'un certain mariage que je vous conseille d'empêcher. Votre fille va commettre une folie, mon ami. » Jones crut avoir mal compris. « De quoi diable parlez-vous » demanda-t-il à son beau-frère en fronçant le sourcil. « Je parle de votre fille Lotta. Sa mère et elle se sont lancées dans un monde étranger qui ne leur convient pas. Lotta rencontrait là une foule de petits jeunes gens, tous plus ou moins titrés et idiots, comme tant d'Européens, et leurs allures lui plaisent. L'un d'eux, je crois, s'est mis en tête de l'épouser. Votre femme a l'air ravie. Elle est plus vaine qu'un paon. Si j'étais à votre place, Pig, j'empêcherais ma fille d'épouser un Français. » « J'ignore de quoi il s'agit, » murmura Jones. « Lucie ne m'en a rien écrit. »« Parbleu, et c'est pour ce motif que je suis venu vous voir. Je me doutais bien que vous ne saviez rien. On s'est soigneusement gardé de vous dire un mot de l'affaire, car vous auriez entravé tous les plans. La chose ne me regarde pas, Pic, mais si vous voulez empêcher votre fille de faire la sottise d'épouser un sot, un vaurien à l'affût de votre argent, il est temps pour vous d'intervenir. Lotta, épouser un Européen ? S'écria Jones. Impossible, elle a trop de bon sens. Vous êtes naïf, Pic, reprit Tom Palmer. Fiez-vous donc au sens commun des femmes, et trouvez une Américaine qui ne se laisse pas aveugler par un titre. Jones s'est élevé de sa chaise et avait commencé à arpenter la chambre. Qui est cet individu ? Demanda-t-il sèchement. Que vous importe son nom ? Répliqua son beau-frère. D'ailleurs, je ne le connais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'on parle d'un mariage. Toujours la même histoire. C'est vieux comme les rues. Il épousera votre fille pour sa dot, qu'on saura vous faire débourser. Il valait bien la peine de vous donner tant de mal durant votre vie pour aboutir ainsi. Si vous n'y prenez pas garde, vous déménagerez dans l'autre monde tout seul, sans que personne vous tende un verre d'eau. Car au dire de votre docteur, vous êtes un peu usé. Allons, coupez court aux folies de ces deux femmes. Et que diable voulez-vous que je fasse ? S'écria Jones, en s'arrêtant les bras croisés devant son beau-frère. Elles ne veulent rien entendre. Ce que vous devez faire, c'est bien simple, coupez-leur les vivres. Quand elles n'auront plus d'argent, elles se conduiront mieux, et elles reviendront ici. Jones pâlit légèrement et secoua la tête. Je ne puis faire ça, ce serait horriblement mesquin, dit-il. Eh bien alors faites ce que bon vous semble, reprit Tom Palmer en prenant son chapeau. Il sortit et Pic Jones continua à arpenter la chambre. Un autre homme se fut peut-être laissé entraîner à suivre l'ami de Tom Palmer. Jones n'y songea même pas. Il avait l'habitude des promptes résolutions, comme tous les grands brasseurs d'affaires. Il réfléchit durant la nuit et se décida à partir aussitôt pour l'Europe. Que sa fille se mariât avec un homme pauvre, à sa fantaisie, d'accord, mais qu'elle épousât un petit vicomte français, incapable de gagner honnêtement sa vie, un véritable saltimbanque, se disait-il à lui-même, jamais. Aux yeux d'un Américain, quelle mésalliance ! C'était en hiver. La traversée fut, comme presque toutes les traversées de l'Atlantique pendant la mauvaise saison, pénible, désagréable, tempétueuse. Obsédé par l'idée que ses intérêts pécuniaires à Chicago souffriraient de son absence, froissé du manque de franchise de sa femme, qui lui avait caché ce qui se passait à Paris, et tourmenté par la pensée que sa fille songeait à contracter une union mal assortie, Pic Jones s'était fait remarquer à bord par son air morose et taciturne. Suivant l'usage, on jouait gros jeu au fumoir. Ses compatriotes s'attablaient là autour d'un tapis vert, brassant les cartes durant 10 heures d'horloge et avalant des cocktails à l'américaine. On pariait de fortes sommes sur le chiffre des milles parcourus par le navire en 24 heures. On se racontait ses affaires et l'on causait d'argent. Dans d'autres circonstances, Pic Jones eût passé son temps ainsi fort agréablement, car il ne dédaignait ni les cartes, ni le jeu national du poker, si fort en vogue en Amérique. Mais il avait mauvaise mine, il se sentait malade et s'abandonna au spleen. Il n'avait pas eu le courage d'annoncer son départ à sa femme. Elle eût été probablement blessée d'une résolution si brutale. Il y avait 8 mois qu'il n'avait pas vu sa famille, et lorsqu'il descendit du fiacre qu'il avait amené à l'hôtel du Louvre, il avait le sourire sur les lèvres. Il grimpa l'escalier tout heureux. Malheureusement, Mrs. Jones était une femme nerveuse. « Willy ! » s'écria-t-elle en le voyant. « Vous, à Paris ? Et ne pas m'avoir télégraphié ? Vraiment, vous êtes absurde ! Ces surprises me brisent !» Ces paroles de bienvenue furent dites d'un ton si tranchant que Jones crut de son devoir de s'avouer coupable. « Sans doute, répondit-il. Sans doute j'aurais dû vous prévenir, mais le temps m'a manqué. » Quant à Lotta, elle embrassa son père d'un air câlin. « Venez-vous pour affaire, papa, ou seulement pour nous voir ? » demanda-t-elle. Puis, comme son père ne répondait pas, « Oui, s'écria-t-elle avec un gros soupir, c'est naturellement pour quelque affaire en Europe, pour quelque compagnie qui veut emprunter de l'argent. » Elle remarqua que son père était souffrant, qu'il avait vieilli, et elle en fit l'observation à sa mère. « Votre père ne veut pas se soigner, » dit celle-ci en soupirant. « Il ne veut jamais écouter un conseil. Toujours ce maudit argent qui tue les hommes en Amérique. » Pic Jones avait l'habitude de ne jamais contredire sa femme. Il jeta un coup d'œil sur le charmant appartement qu'elle occupait avec sa fille et se hasarda à remarquer en souriant que les femmes américaines n'avaient jamais trop d'argent et qu'elles savaient l'employer. « N'importe, » dit-il, « vous avez toutes deux excellentes mines. Le climat d'Europe paraît vous avoir convenu ? Il lui semblait en effet que sa femme avait rajeuni et que sa fille était devenue fort jolie. Soit qu'il craignît de les blesser en avouant le vrai motif de son voyage, soit qu'il fût trop prudent et rusé en affaires pour dévoiler sa pensée, Pick Jones garda bien de parler de son entrevue avec Tom Palmer. Et durant 3 semaines, il étudia et observa la situation. Il avait rencontré à l'hôtel un ancien ami, John Davis, de Cincinnati, qui s'en allait en Orient. « Expliquez-moi, lui dit un jour Pick Jones, pourquoi les femmes américaines s'entichent de Paris, tandis que nous autres ?»« Question de se faire faire des robes, uniquement, grommela Davis. Bon, on en fait aussi d'élégantes à Chicago pour la moitié du prix. On peut tout faire à Chicago. Moi, je ne voudrais pas vivre en Europe, pas même y être enterré. Rien ne vaut nos hommes américains. Parlez-moi d'être chez soi. Nos hommes américains sont de l'humbug, murmura John Davis. Je ne sais ce qu'est le vôtre. Peut-être votre femme est-elle plus raisonnable que la mienne, cela se peut. Mais je veux vous donner un conseil. Au lieu de vous morfondre ici comme vous le faites, emballez vos effets, emmenez votre femme et votre fille et prenez le prochain steamer. C'est facile à dire, répliqua Jones, mais elles ne veulent pas en entendre parler. Oui, je connais ça, j'ai passé par là. Moi aussi j'ai épousé une femme très supérieure, elle était de bonne famille. Son père était droguiste à Peoria, dans l'Illinois. Quand nous nous établîmes à Cincinnati, je n'étais que simple commis. J'avais $2000 par an, juste de quoi vivre. Nous avions loué une petite maison dans le faubourg, gentilhomme. Au bout de 6 mois, il fallut déménager. La rue était trop solitaire. Je pris un appartement en ville. Au bout d'un an, ma femme l'avait en horreur. Il n'était pas assez élégant. Bref, il n'est pas un quartier de Cincinnati que nous n'ayons habité. Je gagnais de l'argent, néanmoins. Un jour que ma femme se plaignait de son sort, « Choisis un terrain, lui dis-je, j'y bâtirai une maison. » Je construisis un palais, un vrai palais. J'espérais y vivre en paix. Au bout de 8 mois, mon ménage la fatiguait. La maison était trop grande, vous comprenez. Alors nous allâmes vivre à l'hôtel. Elle s'y ennuyait. Et maintenant elle s'est mise en tête de voir la Palestine. Depuis que nous sommes mariés, nous avons déménagé 24 fois. Une vie de juif errant. Si seulement ma femme et ma fille consentaient à aller en Palestine, murmura Jones en soupirant. Oui, je sais, répliqua Davis. À votre place, je ne consentirai jamais au mariage dont on parle. Ceci entre nous, Jones. Vous êtes un brave homme, et je vous parle à cœur ouvert. Je vous donne là un conseil d'ami. Coupez court, emmenez votre fille à Chicago, partez. Le lendemain, Pick Jones proposa une promenade à sa fille. Il avait l'air grave. Elle prit son bras. Le temps était sec et radieux. Un beau soleil d'hiver échauffait l'atmosphère. Lorsqu'ils eurent passé l'arc de l'étoile et que la foule des promeneurs fut moins dense. « Lotta, dit le père, songerez-vous sérieusement à épouser un Européen ?»« Si j'avais de l'inclination pour lui, certainement, répondit la jeune fille d'un air fort décidé. Pourquoi aurais-je des préjugés ?»« Je ne crois pas, reprit Jones, que je sois un homme à préjugés, mais je n'aime pas les Européens. J'ai tort peut-être, mais leur monde me déplaît. Ici, on se marie pour l'argent. On est petit, mesquin, et la moitié des hommes que l'on rencontre seraient incapables de gagner leur vie à Chicago. Les gens titrés sont pires que des juifs. Voilà bientôt 1 mois que je suis à Paris. Je n'y ai vu que des vicomtes ou des gens décorés. Parole d'honneur, depuis que je suis en France, je suis tout fier de m'appeler simplement Jones et d'être américain. « Oui, je sais que vous adorez Chicago, » répliqua Lotta d'un ton un peu piqué. « Oh, je ne conteste pas votre droit de vous marier à votre gré, Lotta, » continua Pick Jones. « Vous êtes libre de choisir qui bon vous semble. »« C'est ce qu'a fait ma mère, » dit Lotta. « Ce privilège me paraît très naturel. »« Très naturel, en effet, » dit Jones en soupirant. Il y eut une pause. Ils marchèrent un instant en silence. « Ce jeune homme ne me plaît pas, Lotta. Je vous parle à cœur ouvert. Je crois que c'est une mauvaise étoile qui l'a guidé vers vous. Il est parent éloigné des Bourbons, à ce que prétend votre mère. J'eusse préféré qu'il eût une profession. » Qu'il fût bon dentiste, par exemple. Lotta sourit. Oui, cela eût mieux valu, reprit son père. Non que je ne désire pas vous voir établi et marié, mais je n'aime pas les gens titrés. J'aime mieux un gentleman dans le sens américain du mot, un digne et honnête homme, fier d'être quelque chose par lui-même et non de descendre de quelque mauvais drôle. D'ailleurs, ces titres français ne valent rien. Il n'y a plus de noblesse en France, puisqu'il n'y a plus de fief. En Angleterre, c'est un peu différent. Lotta se mordit les lèvres et ses yeux bleus prirent une expression étrange. « Je savais bien que vous ne me donneriez pas de dot, » répliqua-t-elle. « Je l'ai dit à ma mère, qui prétendait le contraire. Vous tenez à conserver votre fortune intacte. « Très bien, » ajouta-t-elle. « Je ne me marierai pas. » Un nuage passa sur le visage de Pig Jones, et il laissa échapper de son bras la petite main gantée de Lotta, qu'il avait serrée involontairement un instant contre sa poitrine. Puis ils marchèrent une centaine de pas en silence. « Vous vous êtes trompé, Lotta, » reprit son père d'une voix calme. « J'ai beaucoup travaillé dans ma vie, mais je ne tiens pas à l'argent autant que vous le croyez. Je vous donnerai une dot. Je ne suis pas né mesquin. Puisque vous le désirez, vous épouserez cet homme. Les vicomtes courent les rues en France, et les dollars ne se ramassent pas sur les trottoirs à Chicago. Je vous donnerai la moitié de ce que je possède. C'est plus que ne valent à mon avis tous les titres européens. Mais vous aurez de quoi vivre tous les deux, 300 000 dollars, 1,5 million de francs environ. Le reste de ce que je possède ira à votre mère, car moi je suis un homme simple, ainsi que vous savez, et je vis avec rien. D'ailleurs, je me sens malade. Je ne ferai pas de vieux os, je le sens. Je ne tiens pas à cette maison que nous avons bâtie à Chicago, je la vendrai. » Lotta ne répondit rien. Après tout, continua son père, qui sait s'il ne vaut pas mieux arranger cette affaire de mon vivant? Toutefois, Lotta, répondez-moi franchement. Aimez-vous cet homme? Lotta se taisait toujours. Répondez-moi. Les affaires sont les affaires, et maintenant que nous nous sommes entendus, il est clair que je ne reviens pas en arrière. Mais l'aimez-vous? Et lui, vous aime-t-il? Lotta s'arrêta et regardant son père. Papa, je me sens nerveuse aujourd'hui. Ne parlons pas de ceci en ce moment. J'en causerai avec vous quand je serai mieux. Rentrons, le froid est intense. Ils rentrèrent. Pig Jones s'en fut dans sa chambre. Le courrier d'Amérique était arrivé pendant sa promenade, lui apportant des lettres et des journaux. Tandis qu'il se plongeait dans la lecture du Times de Chicago, sa fille était entrée dans la chambre de sa mère. Elle enleva son chapeau et ses gants et les jeta sur la table d'un geste de mauvaise humeur. « Enfin, vous voilà, » dit Mrs. Jones. « J'ai cru que vous ne reviendriez jamais. Le jeune homme attend au salon depuis une demi-heure. Je ne puis le recevoir. Ma toilette n'est pas prête. » « Allez, il attend. »« Mon Dieu, qu'il attende. Son temps n'est pas si précieux, » répliqua Lotta en fronçant les sourcils. Sa mère la regarda d'un air étonné. « Mais vous êtes donc folle ? » murmura-t-elle. « Non, je suis nerveuse. »« Ah, je comprends, votre père a refusé. Oh, cela lui ressemble, cela lui ressemble. » Lotta lança à sa mère un regard presque dédaigneux. « Vous vous trompez, » s'écria-t-elle. « Papa a consenti, c'est moi qui hésite. Ma décision n'est pas prise. » 15 jours après, Mrs. Hopkins accourut presque effarée à l'hôtel où demeuraient les Jones. « Que viens-je d'apprendre ? » dit-elle à Lotta. « Vous l'avez refusé ? Lui, un si beau parti ?» Lotta fixa froidement ses jolis yeux bleus sur le visage de son amie et d'un ton léger. « Oui, » dit-elle. « Il me plaisait, mais je ne l'aimais pas. »« Quelle folie ! » reprit Mrs. Hopkins. « Une des meilleures familles du pays. »« Il y avait un revers à la médaille, » répliqua Lotta en haussant les épaules. « D'ailleurs, mon père est riche. » Mon mari eut vécu à ses dépens. Je suis trop indépendante pour accepter une pareille position. Je ne me marierai pas à l'européenne. Je suis très fière, vous savez, et lui ne l'était pas. Et vous allez partir ? Demanda Mrs. Hopkins. Pour Nice. Papa aborde Paris, et le docteur prétend qu'il est trop malade pour traverser l'Atlantique avant l'été. Maman consent à aller à Nice. En effet, Mrs. Jones, après maintes difficultés, avait consenti à quitter Paris. Elle ne comprenait pas que sa fille refusait de se marier, mais n'osant s'en prendre à Lotta, dont le caractère très décidé ne tolérait guère la critique, elle dirigeait ses flèches sur son mari, qu'elle accusait d'avoir influencé sa fille. « Sans votre arrivée en Europe, » lui disait-elle d'un ton aigre, « tout se serait bien passé. Vous n'êtes pas un homme du monde, vous ne connaissez pas les exigences de la société. Vous avez été plongé toute votre vie dans l'atmosphère d'un comptoir, et vous ne comprenez pas qu'une femme ait des aspirations plus élevées que les vôtres. Vous avez détourné Lotta d'un brillant mariage, dont tout le monde eut parlé à Chicago. Vous lui avez inculqué vos petitesses et vos calculs. Vous avez littéralement brisé son avenir. » Pig Jones haussait les épaules en entendant ses reproches. « Lotta a su se conduire, » répliqua-t-il, « et elle a eu conscience de sa propre valeur. Une jeune fille de Chicago qui se respecte n'épouse pas un homme sans profession, qui n'entend rien aux affaires et qui n'a d'autre stock dans le monde que des manières françaises. « Moi, je suis fier de ma fille. La fille de Pig Jones vaut la fille d'un grand-duc, entendez-vous ? En outre, elle est américaine. ce qui à mes yeux veut dire beaucoup. Il n'épousera jamais un Européen. » Ces discussions n'étaient jamais violentes, mais toujours fort aigres. Malgré l'état délabré de sa santé, Pig Jones n'admettait pas qu'on critiquât sa fille, d'autant moins que celle-ci avait consenti à retourner à Chicago en automne, et cette résolution le comblait de joie. Le printemps s'écoula. Puis, durant l'été, je débarquai moi-même en Europe, et je rencontrai par hasard Mrs. Jones à Genève, dans la rue. Elle était seule et sortait d'un magasin de bric-à-brac. « Nous arrivons d'Italie, » me dit-elle en réponse à mes questions. « Oui, nous allons très bien. » L'OTA eut beaucoup de succès à la Riviera. Les Hopkins y étaient. Le pays est charmant. Nous y retournerons l'hiver prochain. « Et Pic ?» demandai-je. Elle me jeta un regard étonné, puis d'une voix très grave et de l'air le plus naturel du monde. « Comment ? Vous ne savez donc pas ? » s'écria-t-elle. « Mon Dieu, ce pauvre Pic ! Quelle perte nous avons faite ! Nous l'avons expédié à Chicago en avril, par petite vitesse jusqu'au Havre. J'avais fait faire une bière en métal car il a insisté pour être enterré en Amérique. C'était une idée fixe. Hélas, heureusement qu'il a été transporté sans accident. J'appris plus tard qu'il y avait eu peu de monde à l'enterrement à Chicago, les funérailles étant été maladroitement fixées à un lundi. Or, le premier jour de la semaine, les gens sont toujours fort occupés dans les comptoirs. Mais on cite encore parfois son nom là-bas, lorsqu'on parle de gens qui ont joliment réussi. Ainsi se termine Jones de Chicago, dans Rigolieur.